Ça part encore une fois. Je te comprends pas. T'as pas le droit. Je te comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je te comprends pas. T'as pas le droit. Je te comprends pas, je n'y arrive pas, elle ne mérite pas de vivre tout ça. Je te comprends pas, mais regarde-la, regarde-la. Je te comprends pas, elle pleurera. Je te comprends pas, pourquoi faire ça? Pourquoi je décevra? Je te comprends pas, t'as pas le droit. Je te comprends pas, je n'y arrive pas. Je te comprends pas, je te comprends pas. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça.